Ah, la rubrique qui réjouit les chiennes de garde. Exactement. Et le mot de perchu avec nous. Elle remue la queue d'ailleurs. Mes amis, quelle soirée de folie j'ai passée hier. Mon ami Zouzou la Fiotte m'avait invité à la finale de concours de beauté organisée par la mairie de Zarzel. Au début, je me suis dit, bon, allons toujours jeter un nez, on ne sait jamais. J'y trouverai peut-être une champouineuse en mal d'affection à qui je pourrais faire une bête frottée sur le parking. On est arrivé en retard, le concours était terminé. Histoire de me passer les nerfs, j'ai engueulé Zouzou. Mais enfin, bordel de putain de travaux du tiers-monde, c'est ta faute tout ça. Si tu t'es manié le fion, on serait arrivé à l'heure. Bah, j'ai un problème avec mon stérilet. Mais t'es un homme, Zouzou, un homme. Merde, les hommes, on se pas stérilet, c'est les ralasses qui font ça. Bah, tout fait exprès pour faire pleurer Zouzou, dire des choses comme ça. Je le sais, je suis pas une femme et ça fait mal à mon corazon. Tu vois, le problème, Connell. Tout à fait. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, un type s'est approché de nous et nous a demandé si nous voulions rencontrer les gagnants du concours dans la loge d'honneur. Ah, oh, Dieu existe. Nous nous sommes retrouvés dans la loge avec Zouzou et là, ah, oh, pour nous deux, c'était le coup de foudre. Moi, j'en pouvais plus devant Cynthia, la gagnante. Alors quand Zouzou, il a emmené le vainqueur pour une conversation tout nu dans les toilettes, n'écoutant que mon lyrisme, je me suis approché d'elle et j'ai chanté. Toi, tu es bonne comme un bol de schnapps du foie gras. J'ai envie de toi tout de suite de te prendre là. Tu es comme une promesse de déviance charnelle. Comme une dame qui attend son fourrage de Noël. Quand je t'ai vu, j'ai perdu mon slip et ma foi. Je ne pense qu'à une chose, t'aimer de haut en bas. Belle, je peux te faire un frottis comme t'as jamais eu. Te faire des trucs dégueux sans aucune retenue. Oh mon amour, oui laisse-moi rien qu'une fois. Pour un instant m'installer quelque part dans toi. Je vais t'humilier, moi, te faire pipi dessus, toi. Je suis comme un fou, je te veux sous mes draps. Quand il voit tes fesses, elle moute, il fait i. Ah. Je suis comme un petit furet rouge écarlate. Je veux que devant moi, tu cours à quatre pattes. Elle monte, il en peut plus, il veut qu'on fasse le mur. Qu'on se mélange et qu'on transpire la nuit et le jour. Oh, que nos cœurs ne fassent plus qu'une grosse boule de poils. Que tu m'aimes quand je te dis oui, j'ai mal. Oh, ma guenon, oui, laisse-moi rien qu'une fois. Souiller ton corps et te mettre dans l'embarras. Évidemment, Christophe. Tout ça. Elle a craqué. Tu m'as fait peur, là. Elle s'est mise nue, m'a sauté dans les bras et je suis rentré avec à la maison. Quelle belle soirée. Au revoir, les amis. Comme on dit chez nous, bon week-end.